Ahí se ve, ¿qué va? Hola, se ve. Hola, son muchas. Enculé, frère, je te donne pas ton manger. Eh, dis-le là! Fuck! Pinga! Sácame el dinero de abajo de la tierra, cojones! ¡Dera! Habla, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Habla. T'as enculé, je te donne rien. ¡Dónde está! ¿Dónde está el dinero, coño? ¡Habla! Tienes que buscarme mi negocio. Tienes que buscarme mi dinero. Tienes que buscar todas las cosas que... Elle tire sur tout le monde, le regard froid, c'est ma Cataléa. Elle a le prénom d'une fleur, tout le monde la veut. Quand je la regarde dans les yeux, je vois ma Cataléa, moi. Et je sais pas pourquoi mes chocs, elle viendra me chercher. Je suis dans l'appart, la gueule en sang, les bras attachés. Je repense à elle, je peux pas m'en passer. Elle dort avec un tocard que je l'ai acheté. Oh, oh, oh, oh, ma Cataléa, oh, oh, oh, oh, ma Cataléa, oh, oh, oh, oh, oh, ma Cataléa, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ça devient une chose à gage. Elle enchaîne les meurtres, plus rien à perdre. Mais je l'aime comme elle est, c'est ma Cataléa. Son cœur est noir et je te mens pas, je me suis infiltré. Cataléa, je t'attends, tu sais que mes jours sont comptés. Je suis dans la zone, j'entends, je te vois, t'es à mes côtés. Alors sur moi, vite de là, on va la voir. Ma Cataléa. Criminel, ma Cataléa.